J'suis toujours au quartier, mon là c'est l'ophané. J'récupère le rinté, j'ai vu ce qu'il est tondé. Armé comme un palais, dangereux j'en ai pas l'air. Combien manque à l'appel, quand je repense à ma peine. Envoie-moi la mallette, que tes billets volaient. T'es à moi inhalé, le jeu pour me calmer. 1% te connaît, personne te connaît. La madrina, contre la vague au toit. La madrina, contre la vague au toit. La madrina, contre la vague au toit. La madrina, contre la vague au toit. Les flics que je cours dans la tête. J'ai fait des caddies pour la pièce. Je prendrai la S ou pas au caisse. Au revoir, merci madame la hesse. Je dorme en nouvelle caisse. Je dorme en nouvelle caisse. J'ai pas besoin de Kedra, je suis très mauvais mari, c'est le cœur à Baguera. Le monde est à moi, comme l'ami de Mani, je garde mon sang-froid, comme Rapi du Mali. Et toute façon passée, sans aucune empathie, je crois que je vais tout casser. Ce n'est pas ce qu'ils ont batté, ce n'est pas ce qu'ils ont batté, non, ce n'est pas ce qu'ils ont batté. La madrina, voudrait la bague au toit. La madrina, voudrait la bague au toit. La madrina, voudrait la bague au toit. La madrina, voudrait la bague au toit. Je suis venu pour aller, ce joint de Marocain. Sur les réseaux t'es un mannequin, pour chez nous t'es un tapin. Le gamin c'est allemand, le produit de ce rang, les bornes ne mourront plus. Je dors avant le soleil levant. Tous les jours, en bas du bloc, c'est moi qui ferme le four. Sa baby, ça vide le stock. Tous les jours, en bas du bloc, c'est moi qui ferme le four. Sa baby, ça vide le stock. La madrina, voudrait la bague au toit.